j'arrêterai de faire des CD. Quand je n'aurai plus de place pour ranger mes synthés, oui, j'arrêterai de faire des CD. Et je lirai des livres d'auteurs français. Je passerai tout l'hiver à m'écouter. Et quand je n'aurai plus de chansons dans ma cervelle, oui, j'arrêterai de faire ou décéder. Quand j'aurai de l'argent pour ne plus m'ennuyer, là j'arrêterai de faire des CD. Je visionnerai du cinéma et ma télé. Je passerai tout l'hiver à m'écouter. Je pourrais me tuer.